Psaume 123. Cantique de Mahalot. J'élève mes yeux à toi, qui habites dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs regardent à la main de leur maître, et comme les yeux de la servante regardent à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, ô Éternel, aie pitié de nous, car nous avons été accablés de mépris. Notre âme est accablée des insultes de ceux qui sont à leur aise, et du mépris des orgueilleux.